Du jamais vu chez Delbeau Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delbeau Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. Jeudi soir, on a rencontré le maire de Roberval, Sabin Côté, au souper organisé par la Chambre de commerce où Pierre Vacheval était l'invité. On a parlé avec le maire de Roberval du projet de la piscine intérieure. À l'instar de Delbeau Mistassini, Roberval voudrait se doter d'une piscine moderne. Où en est rendu ce dossier? On a parlé avec le maire de Roberval, Sabin Côté. On écoute cette entrevue. Après Delbeau Mistassini, voilà que Roberval pourrait se doter d'une piscine un peu semblable à ce qu'on a par chez nous. Avec moi, au souper de la rencontre avec Pierre Vacheval, c'est la maire de Roberval, Sabin Côté. Bonsoir, Sabin. Bonsoir, bonsoir. Sabin, si on parlait un peu de ce projet-là, actuellement, Delbeau, la semaine dernière, le projet a été accepté. Où en est rendu maintenant le projet à Roberval? Bien, au niveau de Roberval, on avait précisé qu'on allait se préoccuper de cette dimension-là au niveau de la piscine. On sait que l'infrastructure actuelle appartient à la commission scolaire. Ça a pris un bon bout de temps de connaître les intentions de la commission scolaire. Les intentions sont possiblement de préserver l'infrastructure, mais de ne pas apporter aucune modification, ce qui ne répond pas vraiment aux besoins des utilisateurs. Donc, dans un premier temps, on a formé un comité consultatif pour connaître les besoins exacts là, des utilisateurs de la piscine et on s'est fait accompagner par le même sous-traitant et le même conseiller stratégique qu'a utilisé la ville de Delbeau Mistassini pour faire son projet. Est-ce qu'on parle autant d'un projet semblable à celui de... Étant donné que c'est le même contracteur, donc j'imagine que ça va être un projet semblable autour de 15.3? Ça dépend, non. Bien, au niveau de Delbeau Mistassini, ça inclut des espaces de gymnase. Il faut voir, de notre côté, au niveau de l'aréna, c'est flambant neuf. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas besoin de retravailler sur cette infrastructure-là. On s'attend à des coûts qui seraient en bas de ceux de Delbeau. Maintenant, on veut bien comprendre les besoins. Il y a toujours le fameux débat 6 corridors versus 8 corridors, à savoir, il faut être 8 corridors pour être capable d'accueillir des compétitions nationales et des compétitions FINA. Donc, c'est tout ça qu'on veut analyser. Prochaine étape, on forme un petit comité exécutif plus restreint pour vraiment définir là, les besoins, puis après ça, commencer à travailler un projet. Le fait que vous vous vantez, Roberval, d'être la capitale de nage en eau libre, maintenant, il faut que les bottines suivent les babines, quoi que ça va quand même assez bien avec la traversée, mais est-ce que vous allez profiter de l'occasion pour peut-être monter un petit peu là-dessus? Bien, c'est définitif. En fait, là, dans notre cas, ce n'est pas qu'un projet communautaire. Hein. C'est l'ADN de la ville de Roberval. Donc, je veux dire, c'est l'âme de Roberval. C'est même culturel pour Roberval. Donc, c'est clair pour le conseil actuel là, qu'on veut faire avancer ce projet-là. On a vu, c'est des projets qui sont longs à travailler puis à réaliser. C'est à peu près 5 à 6 ans de Delbeau Mistassini, là, à partir du moment où on a commencé à travailler le projet puis on est capable de faire la première pelletée de terre. Et le livrable est dans 18 mois. Donc, on voit que c'est des projets d'envergure, mais c'est sûr qu'on travaille d'avant pour avancer le projet le plus qu'on peut dans le mandat actuel. Delbeau Mistassini, elle était très usée, la piscine. Est-ce qu'on parle du même constat, Roberval? Ah, définitif. L'infrastructure ne nous appartient pas. Okay. Nous, on demande à la commission scolaire de maintenir un niveau de salubrité, un niveau d'usage qui est fonctionnel. Mais on sait qu'on ne peut pas tarder. Cette piscine-là ne fera pas 10 ans encore. Ça prend des alternatives bien avant ça. C'est pour ça qu'on essaie de travailler le plus rapidement possible sur le Vous donnez combien de temps? Bien, je vous dirais, d'ici la fin du mandat, si on est capable d'attacher une faisabilité technique et d'être à la course à la subvention pour être capable de réaliser ça dans un second mandat, on serait très, très content. OK. On parle de combien d'utilisateurs, Roberval? C'est embêtant en nombre absolu. Okay. Ce qu'on sait, c'est que la clientèle d'usage, la piscine est utilisée à peu près autour de 40% sur les heures d'ouverture et seulement que 10% pour la commission scolaire, donc pour les étudiants. Donc le reste, le 30%, c'est des usagers de Ville de Roberval. Mais on sait que c'est des projets qui sont rassembleurs, c'est des projets communautaires, c'est des projets qui sont très appréciés de la population. OK. Ben, Sabin Côté, on va suivre le dossier de près. Merci, M. Denis. Le maire de Roberval, Sabin Côté. Merci, Sabin. Merci, c'est gentil.